ça trop facile, c'est vrai. Ça pas obligé d'irer longtemps. Ou pas caner à rien sans souffert, tout ça c'est vérité. Yeah. C'est pas en raison pour qu'à chercher la vie. Let's go.